malade, ça bouge. Mmh. Il faut caler les choses, hein. Ça bouge. Malaki. Non. Je rends grâce à Dieu. Lui qui nous a aidés. Cette année, nous avons pu avoir le séminaire. Car dans les années passées, nous n'avons pas pu tenir ce séminaire. Car les dirigeants ont dit que nous allons faire ça chaque 2 ans. Si les femmes font le séminaire cette année, l'année suivante, c'est les hommes qui font. Les jeunes. Voilà pourquoi l'année passée, il n'y a pas eu de séminaire, mais Dieu merci, cette année, ça a eu vraiment lieu. Et le dimanche passé, j'ai dit que si ce que Dieu nous a donné, je vais partager ça avec vous. Et ainsi, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Et le pasteur qui est venu nous donner l'enseignement, il s'appelle le pasteur Bonkian. Son lieu de résidence est loin de Bobo. Et c'est lui qui nous a donné l'enseignement. Et le thème c'est marcher dans la pureté, dans la sainteté. Et on peut trouver ce passage dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre 1, verset 15. Et nous voyons que le pasteur nous a donné cet enseignement. Il a commencé par le livre de Deutéronome. Et là, nous allons voir cela ensemble. Deutéronome chapitre 4, du verset 1 au 5. Ok. Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 5. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous voyons qu'ici, c'est Moïse qui donnait des conseils aux enfants d'Israël. Et il leur disait que la parole de Dieu qui a été dite, qu'ils mettent ça en pratique. Il dit que si elle Il dit que si la parole que Dieu tenait les a donnée, s'ils arrivent à mettre ça en pratique, ils vont vraiment pouvoir aller. Oui. Ok, ils vont pouvoir aller dans un. Dans ce beau lieu. Beau pays. Voilà. Moïse donnait des conseils aux Israélites. Et qui n'ont qu'à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Aujourd'hui également, la parole de Dieu nous parle. Ce que nous entendons de la parole de Dieu, nous devons tout faire pour mettre ça en pratique. Si nous l'écoutons et nous mettons ça en pratique, nous voyons que nous bénéficions de cela. Mais si nous ne mettons pas ça en pratique, c'est comme ce que Jésus dit, notre maison sera est fondée sur du sable. Si quelqu'un bâtit sa maison sur du sable, nous voyons que la maison ne peut pas résister. Mais celui qui prend le temps de mettre sa fondation sur du roc, nous voyons que avec le temps, cette maison perdurera toujours. Voilà pourquoi l'Éternel nous enseigne et nous conseille de mettre sa parole en pratique. Ok, nous allons voir l'autre passage qui est le passage même du thème. 1 Pierre 1 Pierre à soi quel est chapitre 1 à verset 32 au verset 1 Pierre chapitre 1 verset 15 OK verset 15 mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amba yeko nya Pierre le tumbukumana ne mokotoi. Nous voyons que ici c'est Pierre qui parlait oui à ce peuple là. Ako apa weleba kasenu afuna kaka mokosenma oyi akaka wolo bela. Il dit celui qui nous a appelé, celui qui vous a appelé est saint. Donc vous aussi soyez saints comme lui. Comment pouvons-nous être saints? C'est une question. Comment devons-nous être des personnes saintes? Si quelqu'un a une réponse, que la personne nous donne cette réponse. Elle dit qu'une personne sainte, c'est une personne qui marche selon la parole de Dieu. Dans le pays, va. Y a-t-il une autre réponse? Comment va-t-il? Vous pouvez le dire. On peut être saint en aimant. Nos proches, nos ennemis. Dormez. Y a-t-il une autre réponse? Oui. Par la sanctification. Mm-hmm. Merci pour vos réponses. C'est exact. Il est question de sainteté, mais nous voyons que si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous ne pouvons pas être purs. Et nous ne pouvons pas nous sanctifier. Si nous ne nous sanctifions pas, nous ne pouvons pas être saints. Il faut qu'on se sanctifie pour être saint. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis cela? Parce que la plupart du temps, dans nos pensées, nous souillons. Mais si nous nous purifions avec le sang de Jésus, voilà pourquoi nous pouvons devenir des personnes saintes. Et nous voyons que nos actes également peuvent nous souiller. Et le messager aussi a donné un exemple. Il dit, toi qui aimes manger du riz, surtout dans les restaurants, et le jour que tu te prépares pour aller manger du riz au restaurant, et la dame même qui prépare au restaurant, et si cette dame même elle se lève, elle se lave pas ses figures et sa figure, ses mains, et se nettoie ou bien être quand même hygiénique, est-ce que vous allez manger ce plat-là? Quel que soit vraiment ce plat délicieux, est-ce que vous allez manger ça? Quel que soit le goût, ça dépend. Oui, qui va répondre? Même si ça n'a pas de goût, mais quand on a faim, quand même, il faut manger. Quelqu'un a donné une réponse. Donc, selon vous, il faut manger parce que vous avez faim ou bien c'est quoi? Personne. Même si la nourriture est sale, il mange. Ça ne l'est pas. Il faut que ça soit mangeable. Lui poser des soucis après. Donc, également, l'enseignant nous a demandé comme ça, nous tous on a riposté, on a dit qu'on ne va pas manger ce plat-là, puisque en mangeant même, ça peut nous donner la nausée. Donc, il y a un peu de temps, ni an ba foka faka barake alay wala ka ke ala dewe an kan ka an yele sanya tuma be. Donc il a pris cet exemple sur cette dame et il dit que si nous voulons être travailler pour Dieu, il faut que nous soyons saints. Ni an sanyalite an ba ye ko an ka je on ya se ka tanya an ni ala ke. Si nous ne sommes pas saints, nous voyons que nous ne pouvons pas avoir une intimité avec Dieu. Tatouni ala ka kuma ile fo ala seulement lo ani amnu ba ko an kai ka sania fana. Car la parole de Dieu dit que Dieu est saint et nous qui œuvrons pour lui nous devons aussi être saints. Ani amba ye ko ay kalan ke Hébreux 13:2 verset 13. Et nous voyons également qu'il nous a donné un enseignement sur au niveau de Hébreux du livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voyons que c'est un seul verset, mais c'est d'une importance vraiment grande. Il dit de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous ne marchons pas dans la sainteté, si nous ne marchons pas dans la paix avec les hommes, nous ne pourrons pas voir l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention dans notre vie. Notre sanctification, notre vie, nous devons vraiment tenir à être attentifs. Pour ne pas qu'il y ait de la saleté, des impuretés dans notre vie. Nous voyons que si nous marchons avec nos prochains dans la paix, cela plaît à Dieu. Voilà pourquoi chaque chrétien, chaque croyant et chrétien, nous devons faire tout de toutes les manières pour pouvoir être en bonne collaboration avec nos prochains. Même souvent, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils nous provoquent. Nous devons vraiment chercher la paix entre eux et nous. Souvent, ce n'est pas facile. Tu ne l'as rien fait, mais la personne peut se lever contre toi. Mais ça, c'est l'ennemi qui cause cela. Pour que toi qui as décidé de marcher dans la pureté, dans la sainteté, pour que ça puisse, tu sois souillé. Mais si nous persévérons dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, notre sanctification va aller durer. Amna ayoro do kala ayoro do kuma fo bon ama verset di wala mais ay kuma na te don. Il a parlé d'un autre passage, mais il a juste brossé ce passage. Akuma na Joseph kola. Il a parlé du cas de Joseph. Il est dit là-bas que lorsque Joseph a été pris pour esclavage, et quand il est arrivé en Égypte, et ses frères l'ont vendu et il est allé en Égypte. Là-bas, il a été esclave dans la cour de Potiphar. Et Étant dans la cour de Potiphar, nous voyons que Joseph s'est maintenu pur. Il s'est sanctifié devant l'Éternel. Il s'est préservé comment? Parce qu'il était, il est dit que Dieu était avec Joseph. Et il est dit que tout ce que Joseph touchait, tout ce que Joseph faisait, cela réussissait. Et voilà pourquoi Potiphar lui a confié toutes les choses de toutes les missions de la maison. Et le prédicateur nous a dit que pour marcher dans la sanctification, c'est une question de volonté. Il faut que tu te décides, toi-même de pouvoir marcher dans la sanctification. Et nous voyons que Issouf et Joseph a décidé de marcher dans la sanctification, de marcher pur et pur devant Dieu. Et voilà pourquoi nous voyons que Dieu l'a béni. Et tout lui réussissait. Mais cela ne l'a pas empêché. Cela n'a pas empêché Joseph d'avoir des problèmes. Car il a été convoité par la femme de Potiphar. Et il voulait de Joseph. Et Joseph a riposté. Joseph a refusé. Donc il dit à la dame que son maître lui a confié toutes choses. Mais elle, c'est la femme de son maître, lui, il ne pourra pas faire cet acte-là. Il dit que lui ne pourra pas faire ce acte devant l'Éternel. Et nous voyons que vraiment Joseph a riposté. Pour moi, certains allaient dire que, mais je ne suis pas allé vers elle. C'est elle-même qui m'a convoité, c'est elle qui est venue vers moi. Donc, même si je fais, ça ne fait rien. Et nous voyons que par la crainte de Dieu que Joseph a, par cette crainte-là et cette décision d'être saint, il a vraiment pu résister. Et Joseph, nous voyons que Joseph a fini par fuir. Il a fui le péché. Nous aussi, si nous voyons qu'un péché veut nous engloutir, nous devons aussi fuir. Nous ne devons pas nous laisser engloutir par le péché. Si Joseph n'avait pas fui, il allait céder et il allait commettre cet acte-là. Voilà pourquoi, si vraiment ça arrive, il faut qu'on fuit le péché. Nous allons lire un passage au niveau du livre de Thessaloniciens. Chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 à 8. Si quelqu'un trouve que la personne nous aide. Oui. Jésus donc qui rejette cette réserve et ne réserve pas un homme, celui donc qui rejette cette réserve ne réserve pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Merci. Nous voyons que ici Dieu nous a appelés pas pour l'impureté mais pour la sanctification. Et il a dit que celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Et si nous refusons l'appel de Dieu, nous ne pouvons pas être de vrais enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a appelés, c'est de marcher à la sanctification. Nous allons aller de l'avant en lisant Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, l'apôtre Paul envoie cette lettre aux Romains pour que vraiment ils puissent être, pour qu'ils puissent se sanctifier, se donner à Dieu. Il dit, par la compassion de Dieu, il faut que vous vous donniez entièrement, comme de bons sacrifices. Paul disait cela aux Romains. Sûrement, il voulait vraiment les rappeler pour que vraiment ils puissent être tout le temps en bon lien avec l'Éternel, se sanctifier, être dans de meilleures relations avec l'Éternel. Il leur dit, donnez-vous à Dieu. Et se donner entièrement à Dieu, c'est une très grande chose. Et si je dis que je me donne à Dieu, c'est comme si je me donne entièrement pour faire cette chose, pour Dieu. Ainsi, même si tu es dans la chorale, si tu te donnes, il faut te donner de tout ton cœur et les chansons que même tu chantes, que ça puisse être pour la gloire de Dieu. Si tu te donnes, il n'y aura pas un jour que tu te diras, je suis fatigué, je ne pourrai pas aller à la chorale aujourd'hui. Ou bien tu ne diras pas, vraiment, j'ai un travail, je ne pourrai pas aller à la chorale. Et c'est pourquoi tu t'es engagé, donné, tu dois persévérer dans ça. Et si tu t'engages vraiment pour l'œuvre de Dieu, il faut te donner entièrement. Il est dit de ne pas ressembler au siècle présent. Mais que notre intelligence soit toujours renouvelée. Ça veut dire que il est dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ça veut dire que ce que ce siècle présent fait n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et le prédicateur a donné l'exemple sur la manière de s'habiller des jeunes. Et nous voyons que si c'est les jeunes femmes, les jeunes filles, ils s'exhibent et par leur habillement. Il a donné un exemple sur une fille qui, chaque fois quand elle coupe ses habits, elle coupe au niveau des seins pour que ses seins soient visibles. Et là, un jour, il a interpellé pour lui demander. Et la question que la fille a donnée au pasteur, que c'est le réseau comme ça. Que c'est un réseau. Ça appelle, ça attire les jeunes hommes vers elle. Est-ce que c'est une bonne manière de faire d'un chrétien? Donc elle décide de coudre son habit tout en laissant ses seins dehors, tout en disant que c'est un réseau pour attirer les hommes. Donc le prédicateur lui a dit d'arrêter cela. Et elle dit que si elle arrête de s'habiller comme ça, les hommes ne vont pas venir vers elle. Et le pasteur lui dit d'arrêter cela, sinon ça, ce n'est pas digne d'un chrétien. Il faut qu'il aille au... C'est le monde qui fait cela et non un chrétien. Donc le pasteur lui dit de porter vraiment des habits décents. Sinon vraiment ça sera... Donc le pasteur lui dit de ne plus porter ces habits-là pour venir à l'église. Oui. Nous voyons que le pasteur, et cela vraiment n'est pas conforme. Et le pasteur aussi a touché du doigt les jeunes hommes. Il dit que les jeunes hommes aussi portent les pantalons et font descendre le pantalon sur les fesses. Et ils disent que c'est ça qui est à la mode. Est-ce que dans la maison de Dieu, nous devons porter des pantalons qui descendent sur les fesses pour venir à l'église? Nous voyons que cela vraiment n'est pas conforme, oui, à l'église. Et il a vu aussi dans le portable d'un jeune homme, là où les hommes, les gens... voilà, effectivement. Oui, des images sensibles. Merci. Et le pasteur lui a demandé, est-ce que ce que tu regardes là, est-ce que c'est bon? Yala, Allah va pouvoir pour encadrer le malin sort. Ah, tu crois y aller faire? Dieu ne nous a-t-il pas dit d'avoir un renouvellement de l'intelligence? Que est-ce que ça peut donner un renouvellement de l'intelligence? Il dit que est-ce que si nous regardons ça tous les jours, est-ce qu'on est pur ou bien on est impur? Et toi étant jeune, tu n'as pas de femme, tu regardes ça, c'est pour aller faire quoi? Et il a dit de vraiment faire beaucoup attention à ce niveau. Il a aussi dit de faire attention par notre manière de parler. Donc il dit qu'aujourd'hui le téléphone est un outil qui peut beaucoup nous aider, mais aussi ça peut gâter beaucoup de choses. Beaucoup prennent les téléphones pour mentir. Et ça, c'est vraiment fréquent. Ils mentent vraiment. Et ça, c'est moi, mon propre exemple. Et c'est quelqu'un qui a appelé, et on appelait un maçon. Le pasteur l'a appelé pour qu'il... Voilà, un homme a appelé le maçon pour la construction de sa maison. Quand il construisait la maison, après il a fait 2 jours sans aller encore au lieu de... sur le chantier. L'homme là, le propriétaire du chantier l'a appelé. Il dit que demain seulement lui sera là. Et vers 9h10, le propriétaire du chantier l'a appelé. Que tu es où? Que, le maçon dit que lui il est au niveau du chantier en train de construire. Le maçon dit, est-ce que j'étais pas dit que je vais aller construire la maison aujourd'hui? Je suis en train de construire la maison comme ça, je suis là-bas. Pendant qu'il l'appelait, le propriétaire du chantier même voyait le maçon en question. Mais le maçon n'a pas vu le propriétaire du chantier. Il pensait que non, s'il mentait, il allait dire que non, il est dans le coin. Donc il lui a dit la vérité, que je te vois, c'est pas toi qui as arrêté là-bas là. Il a dit, ouais, aujourd'hui là, vraiment, ce maçon là, ça ne pourra pas avoir lieu. Ça n'aura pas lieu. Lui, il a l'habitude de mentir, mais pour aujourd'hui, là, ça l'a beaucoup pris. Voilà pourquoi nous qui sommes des chrétiens, nous devons faire beaucoup attention. Et Paul nous dit que nos manières de faire ne ressemblent pas à ceux du siècle présent. Aujourd'hui, certains pensent que les gens voient que le mensonge, c'est une chose qui est facile et ça ne fatigue pas. Et la parole de Dieu nous dit, mais la parole de Dieu nous dit de ne pas mentir. Et nous allons voir aussi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 26. Si quelqu'un trouve ce passage. Éphésiens 4, du verset 25 à 26. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres l'un des autres, les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Anke. Merci. Ane ayi ne kuma o kaka dafa ko wodo koso awu ka ban galontike ma. Et il a complété en disant de renoncer au mensonge. Nous devons refuser le mensonge. Même si tout le monde, les autres personnes mentent, nous devons vraiment nous abstenir et tout en sachant que nous sommes des chrétiens. Et il a dit, il faut qu'on se dise la vérité aux uns et aux autres. Même si c'est quelqu'un du monde, si on lui dit la vérité, la personne pourra nous croire. Mais si nous sommes menteurs, partout ils vont dire, lui vraiment, on ne peut pas lui faire confiance, il ment. Et la parole de Dieu nous dit, il faut qu'on se dise la vérité. Même si c'est difficile. Souvent, il est difficile de dire certaines vérités. Mais si la parole de Dieu nous dit de dire la vérité, il faut qu'on le fasse. Si nous faisons cela, nous serons vraiment des enfants de Dieu, car Dieu est un Dieu de vérité. Et qui est le père du menteur? Mensonge. Ok, du mensonge. Jolo. Qui est le père du mensonge? Ah, Jolo. Satan. Satan. Donc, nous avons un faille à l'aïe. Si nous disons que notre père, c'est Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Nous aussi, nous devons nous dire la vérité. Mais si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, pourtant nous aimons le mensonge, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu tout en mentant. Donc nous devons faire beaucoup attention. Nous devons savoir que nous le propriétaire le père du mensonge, c'est Satan. Et nous, vraiment, nous sommes pour Dieu. Nous ne devons pas mentir. Et le verset 26 nous dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Nous voyons que si nous conservons la colère en nous, ça peut amener autre chose. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas conserver la colère. Si ton frère te fait quelque chose et que ça ne t'a pas plu, va lui demander pour que vous vous entendez. Si quelqu'un te fait un tort, pardonne à cette personne. Si tu ne pardonnes pas et que tu gardes cette colère en toi, ça peut amener d'autres choses encore. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Mais il faut qu'on soit des gens qui pardonnent. Il a donné aussi un exemple sur Daniel. Il dit, nous allons voir cela dans Daniel chapitre 1, verset 8. Il est là. Il est 11h? Non. Non, amène à la loi. Donc nous allons... On va continuer après. Nous allons continuer après. Ah. À la deuxième phase. Donc, amène à Daniel Gapolo, il faut que ça amène à Tanoïa. Nous allons stopper l'examen de Daniel et après nous allons continuer. Et le prédicateur aussi a brossé une partie. Il dit de faire beaucoup attention au péché car le péché est un grand mal. Car à cause du péché, le péché est vraiment immense. Le péché est vraiment vaste. La grandeur. Oui, la grandeur du péché. Merci. L'ampleur du péché. Le péché est vraiment. Est vraiment large. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son fils. Et Dieu a vu que vraiment le péché était très large et trop sur cette terre. Donc il a décidé de chercher une solution à cela. Voilà pourquoi il a envoyé son fils unique. Il a envoyé son fils unique qu'il aime pour qu'il meure, pour qu'il souffre et qu'il meure pour nous. Pour pouvoir vraiment mettre fin à tout ce péché-là. Car à cause du péché, comme nous l'avons lu en hébreu, que sans la sanctification, nous ne pourrions pas voir Dieu. Donc vraiment, avec le péché, nous ne pourrions pas voir Dieu. Et vraiment, nous voyons que Dieu a jugé bon d'envoyer son Fils unique afin que vraiment quiconque qui croira en lui, nous puissions avoir la vie éternelle. Et tout ce que nous devons aussi faire, nous devons louer l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Et il faut que nous nous donnions également entièrement à Dieu comme de bons sacrifices, de doux sacrifices. Pour que vraiment il fasse de nous son objet d'œuvre. Ainsi que Dieu aide chacun de nous. Que Dieu nous donne la force. Pour que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Et pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Pour pouvoir vraiment arriver au point où Dieu vraiment veut que nous y soyons. Que Dieu nous bénisse. Abonyo, kote se numayala.